Chapitre 25. Des évocations. Considération générale. Esprit que l'on peut évoquer. Langage à tenir avec les esprits. Utilité des évocations particulières. Questions sur les évocations. Évocation des animaux. Évocation des personnes vivantes. Télégraphie humaine. Considération générale. 269. Les esprits peuvent se communiquer spontanément ou venir à notre appel, c'est-à-dire sur évocation. Quelques personnes pensent que l'on doit s'abstenir d'évoquer tel ou tel esprit et qu'il est préférable d'attendre celui qui veut bien se communiquer. Elles se fondent sur cette opinion qu'en appelant un esprit déterminé, on n'est pas certain que ce soit lui qui se présente, tandis que celui qui vient spontanément et de son propre mouvement prouve mieux son identité puisqu'il annonce ainsi le désir qu'il a de s'entretenir avec nous. À notre avis, c'est là une erreur. Premièrement, parce qu'il y a toujours autour de nous des esprits, le plus souvent de bas étage, qui ne demandent pas mieux que de se communiquer. En n'en appelant aucun en particulier, c'est ouvrir la porte à tous ceux qui veulent entrer. Dans une assemblée, ne donner la parole à personne, c'est la laisser à tout le monde, et l'on sait ce qui en résulte. L'appel direct fait à un esprit déterminé est un lien entre lui et nous. Nous l'appelons par notre désir, et nous opposons ainsi une sorte de barrière aux intrus. Sans un appel direct, un esprit n'aurait souvent aucun motif de venir à nous, si ce n'est notre esprit familier. Ces deux manières d'opérer ont chacune leur avantage et l'inconvénient ne serait que dans l'exclusion absolue de l'une des deux. Les communications spontanées n'ont aucun inconvénient quand on est maître des esprits et qu'on est certain de ne laisser prendre aucun empire au mauvais. Alors il est souvent utile d'attendre le bon plaisir de ceux qui veulent bien se manifester, parce que leur pensée ne subit aucune contrainte et l'on peut obtenir de cette manière des choses admirables. Tandis qu'il n'est pas dit que l'esprit que vous appelez soit disposé à parler ou capable de le faire dans le sens qu'on désire. L'examen scrupuleux que nous avons conseillé est d'ailleurs une garantie contre les mauvaises communications. Dans les réunions régulières, dans celles surtout où l'on s'occupe d'un travail suivi, il y a toujours des esprits habitués qui se trouvent au rendez-vous sans qu'on les appelle. Par cela même qu'en raison de la régularité des séances, ils sont prévenus. Ils prennent souvent spontanément la parole pour traiter un sujet quelconque, développer une proposition ou prescrire ce que l'on doit faire. Et alors, on les reconnaît aisément, soit à la forme de leur langage qui est toujours identique, soit à leur écriture, soit à certaines habitudes qui leur sont familières. 270. Lorsqu'on désire communiquer avec un esprit déterminé, il faut de toute nécessité l'évoquer. Voir numéro 203. S'il peut venir, on obtient généralement pour réponse « oui » ou « je suis là » ou bien encore « que me voulez-vous ». Quelquefois, il entre directement en matière en répondant par anticipation aux questions qu'on se propose de lui adresser. Lorsqu'un esprit est évoqué pour la première fois, il convient de le désigner avec quelques précisions. Dans les questions qui lui sont adressées, il faut éviter les formes sèches et impératives qui seraient pour lui un motif d'éloignement. Ces formes doivent être affectueuses ou respectueuses selon l'esprit, et dans tous les cas, témoigner de la bienveillance de l'évocateur. 271. On est souvent surpris de la promptitude avec laquelle un esprit évoqué se présente, même pour la première fois. On dirait qu'il a été prévenu. C'est en effet ce qui a lieu lorsqu'on se préoccupe d'avance de son évocation. Cette préoccupation est une sorte d'évocation anticipée. Comme nous avons toujours nos esprits familiers qui s'identifient avec notre pensée, ils préparent les voies de telle sorte que si rien ne s'y oppose, l'esprit que l'on veut appeler est déjà présent. Dans le cas contraire, c'est l'esprit familier du médium ou celui de l'interrogateur ou l'un des habitués qui va le chercher. Et pour cela, il ne lui faut pas beaucoup de temps. Si l'esprit évoqué ne peut venir instantanément, le messager, les païens auraient dit Mercure, assigne un délai, quelquefois de 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et même plusieurs jours. Lorsqu'il est arrivé, il dit « Il est là ». Et alors on peut commencer les questions qu'on veut lui adresser. Le messager n'est pas toujours un intermédiaire nécessaire, car l'appel de l'évocateur peut être entendu directement de l'esprit, ainsi qu'il est dit ci-après au numéro 282, question 5, sur le mode de transmission de la pensée. Quand nous disons de faire l'évocation au nom de Dieu, nous entendons que notre commandation doit être prise au sérieux et non à la légère. Ceux qui n'y verraient qu'une formule sans conséquence feraient mieux de s'abstenir. 272. Les évocations offrent souvent plus de difficultés au médium que les dictées spontanées, surtout quand il s'agit d'obtenir des réponses précises à des questions circonstanciées. Il faut pour cela des médiums spéciaux, à la fois flexibles et positifs. Et l'on a vu, entre parenthèses au numéro 193, que ces médiums sont assez rares, car ainsi que nous l'avons dit, les rapports fluidiques ne s'établissent pas toujours instantanément avec le premier esprit venu. C'est pourquoi il est utile que les médiums ne se livrent aux évocations détaillées qu'après s'être assurés du développement de leurs facultés et de la nature des esprits qui les assistent, car chez ceux qui sont mal entourés, les évocations ne peuvent avoir aucun caractère d'authenticité. 273. Les médiums sont généralement beaucoup plus recherchés pour les évocations d'un intérêt privé que pour les communications d'un intérêt général. Cela s'explique par le désir bien naturel que l'on a de s'entretenir avec les êtres qui nous sont chers. Nous croyons devoir faire à ce sujet plusieurs recommandations importantes aux médiums. C'est d'abord de n'accéder à ce désir qu'avec réserve vis-à-vis des personnes sur la sincérité desquelles ils ne sont pas complètement édifiés et de se mettre en garde contre les pièges que pourraient leur tendre des gens malveillants. Secondement, de ne s'y prêter sous aucun prétexte s'ils entrevoient un but de curiosité et d'intérêt et non une intention sérieuse de la part de l'évocateur. De se refuser à toute question oiseuse ou qui sortirait du cercle de celle qu'on peut rationnellement adresser aux esprits. Les questions doivent être posées avec clarté, netteté et sans arrière-pensée si l'on veut des réponses catégoriques. Il faut donc repousser toutes celles qui auraient un caractère insidieux, car on sait que les esprits n'aiment pas celles qui ont pour but de les mettre à l'épreuve. Insister sur des questions de cette nature, c'est vouloir être trompé. L'évocateur doit aller franchement et ouvertement au but, sans subterfuge et sans moyen détourné. S'il craint de s'expliquer, il ferait mieux de s'abstenir. Il convient encore de ne faire qu'avec beaucoup de prudence des évocations en l'absence des personnes qui en font la demande, et souvent même il est préférable de s'en abstenir tout à fait. Ces personnes étant seules aptes à contrôler les réponses, à juger de l'identité, à provoquer des éclaircissements s'il y a lieu, et à faire les questions incidentes amenées par les circonstances. En outre, leur présence est un lien qui attire l'esprit, souvent peu disposé à se communiquer à des étrangers pour lesquels il n'a aucune sympathie. Le médium, en un mot, doit éviter tout ce qui pourrait transformer en agent de consultation ce qui, aux yeux de beaucoup de gens, est synonyme de diseur de bonne aventure. Esprit que l'on peut évoquer. 274. On peut évoquer tous les esprits à quelque degré de l'échelle qu'ils appartiennent. Les bons, comme les mauvais, ceux qui ont quitté la vie depuis peu, comme ceux qui ont vécu dans les temps les plus reculés. Les hommes illustres comme les plus obscurs, nos parents, nos amis, comme ceux qui nous sont indifférents. Mais il n'est pas dit qu'ils veuillent ou puissent toujours se rendre à notre appel, indépendamment de leur propre volonté ou de la permission qui leur est refusée par une puissance supérieure, ils peuvent être empêchés par des motifs qu'il ne nous est pas toujours donné de pénétrer. Nous voulons dire qu'il n'y a pas d'empêchement absolu qui oppose aux communications, sauf ci qui sera dit ci-après. Les obstacles qui peuvent empêcher un esprit de se manifester sont presque toujours individuelles et tiennent souvent aux circonstances. 275. Parmi les causes qui peuvent s'opposer à la manifestation d'un esprit, les unes lui sont personnelles et les autres lui sont étrangères. Il faut placer parmi les premières ses occupations ou les missions qu'il accomplit et dont il ne peut pas se détourner pour céder à nos désirs. Dans ce cas, sa visite n'est qu'à journée. Il y a encore sa propre situation. Bien que l'état d'incarnation ne soit pas un obstacle absolu, ce peut être un empêchement à certains moments donnés, surtout quand elle a lieu dans les mondes inférieurs et quand l'esprit lui-même est peu dématérialisé. Dans les mondes supérieurs, dans ceux où les liens de l'esprit et de la matière sont très faibles, la manifestation est presque aussi facile que dans l'état errant, et dans tous les cas plus facile que dans ceux où la matière corporelle est plus compacte. Les causes étrangères tiennent principalement à la nature du médium, à celle de la personne qui évoque, au milieu dans lequel se fait l'évocation, et enfin au but que l'on se propose. Certains médiums reçoivent plus particulièrement des communications de leur esprit familier qui peuvent être plus ou moins élevées. D'autres sont aptes à servir d'intermédiaires à tous les esprits. Cela dépend de la sympathie ou de l'antipathie, de l'attraction ou de la répulsion que l'esprit personnel du médium exerce sur l'esprit étranger qui peut le prendre pour interprète avec plaisir ou avec répugnance. Cela dépend encore, abstraction faite des qualités intimes du médium, du développement de la faculté médianémique. Les esprits viennent plus volontiers et surtout sont plus explicites avec un médium qui ne leur offre aucun obstacle matériel. Toute chose égale d'ailleurs, quant aux conditions morales, plus un médium a de la facilité pour écrire ou pour s'exprimer, plus les relations avec le monde spirit se généralisent. 276. Il faut encore tenir compte de la facilité que doit donner l'habitude de communiquer avec tel ou tel esprit. Avec le temps, l'esprit étranger s'identifie avec celui du médium et aussi avec celui qui l'appelle. La question de sympathie à part, il s'établit entre eux des rapports fluidiques qui rendent les communications plus promptes. C'est pourquoi un premier entretien n'est pas toujours aussi satisfaisant qu'on pourrait le désirer. Et c'est aussi pourquoi les esprits eux-mêmes demandent souvent à être réappelés. L'esprit qui vient d'habitude est comme chez lui. Il est familiarisé avec ses auditeurs et ses interprètes. Il parle et agit librement. 277. En résumé de ce que nous venons de dire, il résulte que la faculté d'évoquer tout esprit quelconque n'implique pas pour l'esprit l'obligation d'être à nos ordres. Il peut venir à un moment et non à un autre, avec tel médium ou tel évocateur qui lui plaît et non avec tel autre. Dire ce qu'il veut sans pouvoir être contraint de dire ce qu'il ne veut pas, s'en aller quand cela lui convient. Enfin que, par des causes dépendantes ou non de sa volonté, après s'être montré assidu pendant quelque temps, il peut tout à coup cesser de venir. C'est pour tous ces motifs que, lorsqu'on désire appeler un esprit nouveau, il est nécessaire de demander à son guide protecteur si l'évocation est possible. Dans le cas où elle ne le serait pas, il ordonne assez généralement les motifs, et alors il est inutile d'insister. 278. Une importante question se présente ici, celle de savoir s'il y a ou non de l'inconvénient à évoquer de mauvais esprits. Cela dépend du but qu'on se propose et de l'ascendant qu'on peut avoir sur eux. L'inconvénient est nul quand on les appelle dans un but sérieux, instructif, et en vue de les améliorer. Il est très grand, au contraire, si c'est par une pure curiosité ou plaisanterie, ou si on se met sous leur dépendance, en leur demandant un service quelconque. Les bons esprits, dans ce cas, peuvent très bien leur donner le pouvoir de faire ce qu'on leur demande, sauf à punir sévèrement plus tard le téméraire qui aurait osé invoquer leur secours et leur croire plus de puissance qu'à Dieu. C'est en vain qu'on se promettait d'en faire un bon usage par la suite, et de congédier le serviteur une fois le service rendu. Ce service même que l'on a sollicité, quelque minime qu'il soit, est un véritable pacte conclu avec le mauvais esprit, et celui-ci ne lâche pas prise aisément. Voir le numéro 212. 279. La sardonne s'exerce sur les esprits inférieurs que par la supériorité morale. Les esprits pervers sentent leur maître dans les hommes de bien, vis-à-vis de celui qui ne leur oppose que l'énergie de la volonté, sorte de force brutale, ils luttent et souvent sont les plus forts. Quelqu'un cherchait ainsi à dompter un esprit rebelle par sa volonté. L'esprit lui répondit « Laisse-moi donc tranquille avec tes airs de matamor, toi qui ne vaux pas mieux que moi. Ne dirait-on pas un voleur qui fait de la morale à un voleur ? On s'étonne que le nom de Dieu que l'on invoque contre eux soit souvent impuissant. Saint Louis en a donné la raison dans la réponse suivante. Le nom de Dieu n'a d'influence sur les esprits imparfaits que dans la bouche de celui qui peut s'en servir avec autorité par ses vertus. Dans la bouche de l'homme qui n'aurait sur l'esprit aucune supériorité morale, c'est un mot comme un autre. Il en est de même des choses saintes qu'on leur oppose. L'arme la plus terrible est inoffensive dans les mains inhabiles à s'en servir ou incapables de la porter. Langage à tenir avec les esprits. 280. Le degré de supériorité ou d'infériorité des esprits indique naturellement le ton qu'il convient de prendre avec eux. Il est évident que plus ils sont élevés, plus ils ont de droit à notre respect, à nos égards et à notre soumission. Nous ne devons pas leur témoigner moins de déférence que nous ne l'eussions fait de leur vivant, mais par d'autres motifs. Sur la terre, nous eussions considéré leur rang et leur position sociale. Dans le monde des esprits, notre respect ne s'adresse qu'à la supériorité morale. Leur élévation même les met au-dessus de puérilité de nos formes adulatrices. Ce n'est pas par des mots qu'on peut capter leur bienveillance, c'est par la sincérité des sentiments. Il serait donc ridicule de leur donner les titres que nos usages consacrent à la distinction des rangs, et qui, de leur vivant, eussent pu flatter leur vanité. S'ils sont réellement supérieurs, non seulement ils n'y tiennent pas, mais cela leur déplaît. Une bonne pensée leur est plus agréable que les épithètes les plus louangeuses. S'il en était autrement, il ne serait pas au-dessus de l'humanité. L'esprit d'un vénérable ecclésiastique qui fut sur la terre un prince de l'Église, homme de bien, pratiquant la loi de Jésus, répondit un jour à quelqu'un qui l'évoquait en lui donnant de titre de Monseigneur. « Tu devrais dire au moins ex-Monseigneur, car ici il n'y a de Seigneur que Dieu. Sache bien que j'en vois qui, sur la terre, se mettait à mes genoux et devant lesquels je m'incline moi-même. Quant aux esprits inférieurs, leur caractère nous trace le langage qu'il convient de tenir avec eux. Dans le nombre, il y en a qui, quoique inoffensifs et même bienveillants, sont légers, ignorants, étourdis. Les traiter à l'égal des esprits sérieux, ainsi que le font certaines personnes, autant voudraient s'incliner devant un écolier ou devant un âne affublé d'un bonnet de docteur. Le ton de la familiarité ne saurait être déplacé avec eux, et ils ne s'en formalisent pas, ils s'y prêtent au contraire volontiers. Parmi les esprits inférieurs, il y en a qui sont malheureux. Quelles que puissent être les fautes qu'ils expient, leurs souffrances sont des titres d'autant plus grands à notre commisération que personne ne peut se flatter d'échapper à cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. La bienveillance que nous leur témoignons est un soulagement pour eux. À défaut de sympathie, ils doivent trouver l'indulgence que nous voudrions que l'on eût pour nous. Les esprits qui révèlent leur infériorité par le cynisme de leur langage, leurs mensonges, la bassesse de leurs sentiments, la perfidie de leurs conseils, sont assurément moins dignes de notre intérêt que ceux dont les paroles attestent le repentir. Nous leur devons au moins la pitié que nous accordons aux plus grands criminels, et le moyen de les réduire au silence, c'est de se montrer supérieur à eux. Ils ne s'abandonnent qu'avec les gens dont ils croient n'avoir rien à craindre, car les esprits pervers sentent leur maître dans les hommes de bien comme dans les esprits supérieurs. En résumé, autant il serait irrévérencieux de traiter d'égal à égal avec les esprits supérieurs, autant il serait ridicule d'avoir une même déférence pour tous sans exception. Ayons de la vénération pour ceux qui le méritent, de la reconnaissance pour ceux qui nous protègent et nous assistent, pour tous les autres, une bienveillance dont nous aurons peut-être un jour besoin nous-mêmes. En pénétrant dans le monde incorporel, nous apprenons à le connaître, et cette connaissance doit nous régler dans nos rapports avec ceux qui l'habitent. Les anciens, dans leur ignorance, leur ont élevé des autels. Pour nous, ce ne sont que des créatures plus ou moins parfaites, et nous n'élevons des autels qu'à Dieu. Utilité des évocations particulières. 281. Les communications que l'on obtient des esprits très supérieurs ou de ceux qui ont animé les grands personnages de l'Antiquité sont précieuses par le haut enseignement qu'elles renferment. Ces esprits ont acquis un degré de perfection qui leur permet d'embrasser une sphère d'idées plus étendue, de pénétrer des mystères qui dépassent la portée vulgaire de l'humanité, et par conséquent de nous initier mieux que d'autres à certaines choses. Il ne suit pas de là que les communications des esprits d'un ordre moins élevé soient sans utilité. L'observateur y puise plus d'une instruction. Pour connaître les mœurs d'un peuple, il faut l'étudier à tous les degrés de l'échelle. Quiconque ne l'aurait vu que sous une face le connaîtrait mal. L'histoire d'un peuple n'est pas celle de ses rois et des sommités sociales. Pour le juger, il faut le voir dans la vie intime, dans ses habitudes privées. Or, les esprits supérieurs sont les sommités du monde spirit. Leur élévation même les place tellement au-dessus de nous que nous sommes effrayés de la distance qui nous en sépare. Les esprits plus bourgeois, entre parenthèses qu'on nous passe cette expression, nous rendent plus palpables les circonstances de leurs nouvelles existences. Chez eux, la liaison entre la vie corporelle et la vie spirit est plus intime. Nous la comprenons mieux parce qu'elle nous touche de plus près. En apprenant par eux-mêmes ce que sont devenus, ce que pensent, ce qu'éprouvent les hommes de toutes conditions et de tous les caractères, les hommes de bien comme les vicieux, les grands et les petits, les heureux et les malheureux du siècle, en un mot, les hommes qui ont vécu parmi nous, que nous avons vus et connus, dont nous connaissons la vie réelle, les vertus et les travers, nous comprenons leur joie et leur souffrance. Nous nous y associons et nous y puisons un enseignement moral d'autant plus profitable que les rapports entre eux et nous sont plus intimes. Nous nous mettons plus facilement à la place de celui qui a été notre égal que celui que nous ne voyons qu'à travers le mirage d'une gloire céleste. Les esprits vulgaires nous montrent l'application pratique des grandes et sublimes vérités dont les esprits supérieurs nous enseignent la théorie. D'ailleurs, dans l'étude d'une science, rien n'est inutile. Newton a trouvé la loi des forces de l'univers dans le phénomène le plus simple. L'évocation des esprits vulgaires a en outre l'avantage de nous mettre en rapport avec des esprits souffrants, que l'on peut soulager et dont on peut faciliter l'avancement par d'utiles conseils. On peut donc se rendre utile tout en s'instruisant soi-même. Il y a de l'égoïsme à ne chercher que sa propre satisfaction dans l'entretien des esprits, et celui qui dédaigne de tendre une main secourable à ceux qui sont malheureux fait en même temps preuve d'orgueil. À quoi lui sert d'obtenir de belles recommandations des esprits d'élite, si cela ne le rend pas meilleur pour lui-même, plus charitable et plus bienveillant pour ses frères de ce monde et de l'autre? Que deviendraient les pauvres malades si les médecins refusaient de toucher leurs plaies? 282. Questions sur les évocations. Question 1. Peut-on évoquer les esprits sans être médium? Réponse. Tout le monde peut évoquer les esprits, et si ceux que vous appelez ne peuvent se manifester matériellement, ils n'en sont pas moins auprès de vous et vous écoutent. Question 2. L'esprit évoqué se rend-il toujours à l'appel qui lui est fait? Réponse. Cela dépend des conditions dans lesquelles il se trouve, car il est des circonstances où il ne le peut pas. Question 3. Quelles sont les causes qui peuvent empêcher un esprit de venir à notre appel? Réponse. Sa volonté, d'abord, puis son état corporel s'il est réincarné, les missions dont il peut être chargé, ou bien encore la permission qui peut lui être refusée. Il y a des esprits qui ne peuvent jamais se communiquer. Ce sont ceux qui, par leur nature, appartiennent encore au monde inférieur à la terre. Ceux qui sont dans les sphères de punition ne peuvent pas non plus, à moins d'une permission supérieure qui n'est accordée que dans un but d'utilité générale. Pour qu'un esprit puisse se communiquer, il faut qu'il ait atteint le degré d'avancement du monde où il est appelé. Autrement, il est étranger aux idées de ce monde et n'a aucun point de comparaison. Il n'en est pas de même de ceux qui sont envoyés en mission ou en expiation dans les mondes inférieurs. Ils ont les idées nécessaires pour répondre. Question 4. Par quel motif la permission de se communiquer peut-elle être refusée à un esprit? Réponse. Ce peut être une épreuve ou une punition pour lui ou pour celui qui l'appelle. Question 5. Comment les esprits dispersés dans l'espace ou dans les différents mondes peuvent-ils entendre de tous les points de l'univers les évocations qui sont faites? Réponse. Souvent, ils en sont prévenus par les esprits familiers qui vous entourent et qui vont les chercher. Mais il se passe ici un phénomène qu'il est difficile de vous expliquer, parce que vous ne pouvez encore comprendre le monde de transmission de la pensée parmi les esprits. Ce que je puis vous dire, c'est que l'esprit que vous évoquez, quelque éloigné qu'il soit, reçoit pour ainsi dire le contre-coup de la pensée comme une sorte de commotion électrique qui appelle son attention du côté d'où vient la pensée qui s'adresse à lui. On peut dire qu'il entend la pensée comme sur la terre vous entendez la voix. Le fluide universel est-il le véhicule de la pensée comme l'air est celui du son? Oui, avec cette différence que le son ne peut se faire entendre que dans un rayon très borné, tandis que la pensée atteint l'infini. L'esprit dans l'espace est comme le voyageur au milieu d'une vaste plaine et qui, entendant tout à coup prononcer son nom, se dirige du côté où on l'appelle. Question 6. Nous savons que les distances sont peu de choses pour les esprits. Cependant, on s'étonne de les voir quelquefois répondre aussi promptement à l'appel comme s'ils eussent été tout près. Réponse. C'est qu'en effet, ils le sont quelquefois. Si l'évocation est préméditée, l'esprit est averti d'avance et se trouve souvent là avant le moment où on l'appelle. Question 7. La pensée de l'évocateur est-elle plus ou moins facilement entendue selon certaines circonstances? Réponse. Sans aucun doute. L'esprit appelé par un sentiment sympathique et bienveillant est plus vivement touché. C'est comme une voix amie qu'il reconnaît. Sans cela, il arrive souvent que l'évocation ne porte pas. La pensée qui jaillit de l'évocation frappe l'esprit. Si elle est mal dirigée, elle frappe dans le vide. Il en est des esprits comme des hommes. Si celui qui les appelle leur est indifférent ou antipathique, ils peuvent l'entendre, mais souvent ils ne l'écoutent pas. Question 8. L'esprit évoqué vient-il volontairement ou bien est-il contraint? Réponse. Il obéit à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la loi générale qui régit l'univers. Et pourtant contraint n'est pas le mot, car il juge s'il est utile de venir, et là est encore pour lui le libre arbitre. L'esprit supérieur vient toujours quand il est appelé dans un but utile. Il ne se refuse à répondre que dans les milieux de gens plus sérieux et traitant la chose en plaisanterie. Question 9. L'esprit évoqué peut-il se refuser à venir de l'appel qui lui est fait? Réponse. Parfaitement. Où serait son libre arbitre sans cela? Croyez-vous que tous les êtres de l'univers soient à vos ordres? Et vous-même? Vous croyez-vous obligé de répondre à tous ceux qui prononcent votre nom? Quand je dis qu'il peut s'y refuser, j'entends sur la demande de l'évocateur, car un esprit inférieur peut être contraint de venir par un esprit supérieur. Question 10. Y a-t-il pour l'évocateur un moyen de contraindre un esprit à venir malgré lui? Réponse. Aucun, si cet esprit est votre égal ou votre supérieur en moralité. Je dis en moralité et non en intelligence, parce que vous n'avez sur lui aucune autorité. S'il est votre inférieur, vous le pouvez si c'est pour son bien, car alors d'autres esprits vous seconderont. Voir le numéro 279. Question 11. Y a-t-il de l'inconvénient à évoquer des esprits inférieurs? Et peut-on craindre, en les appelant, de se mettre sous leur domination? Réponse. Ils ne dominent que ceux qui se laissent dominer. Celui qui est assisté par de bons esprits n'a rien à craindre. Il s'impose aux esprits inférieurs, et ceux-ci ne s'imposent pas à lui. Dans l'isolement, les médiums, surtout ceux qui commencent, doivent s'abstenir de ces sortes d'évocations. Voir le numéro 278. Question 12. Est-il nécessaire d'apporter quelques dispositions particulières dans les évocations? Réponse. La plus essentielle de toutes les dispositions, c'est le recueillement quand on veut avoir affaire à des esprits sérieux. Avec la foi et le désir du bien, on est plus puissant pour évoquer les esprits supérieurs. En élevant son âme par quelques instants de recueillement au moment de l'évocation, on s'identifie avec les bons esprits et on les dispose à venir. Question 13. La foi est-elle nécessaire pour les évocations? Réponse. La foi en Dieu, oui. La foi viendra pour le reste si vous voulez le bien et si vous avez le désir de vous instruire. Question 14. Les hommes réunis dans une communauté de pensée et d'intention ont-ils plus de puissance pour évoquer les esprits? Réponse. Quand tous sont réunis par la charité et pour le bien, ils obtiennent de grandes choses. Rien n'est plus nuisible au résultat des évocations que la divergence de pensée. Question 15. La précaution de faire la chaîne en se donnant la main pendant quelques minutes au commencement des réunions est-elle utile? Réponse. La chaîne est un moyen matériel qui ne met pas l'union entre vous si elle n'existe pas dans la pensée. Ce qui est plus utile que tout cela, c'est de s'unir dans une pensée commune en appelant chacun de son côté de bons esprits. Vous ne savez pas tout ce que pourrait obtenir une réunion sérieuse d'où serait banni tout sentiment d'orgueil et de personnalité et où régnerait un parfait sentiment de mutuelle cordialité. Question 16. Les évocations à jour et heure fixe sont-elles préférables? Réponse. Oui, et si c'est possible dans le même lieu, les esprits y viennent plus volontiers. C'est le désir constant que vous avez qui êtes les esprits à venir se mettre en communication avec vous. Les esprits ont leur occupation qu'ils ne peuvent quitter à l'improviste pour votre satisfaction personnelle. Je dis dans le même lieu, mais ne croyez pas que ce soit une obligation absolue, car les esprits viennent partout. Je veux dire qu'un lieu consacré à cela est préférable, parce que le recueillement y est plus parfait. Question 17. Certains objets, tels que médailles et talismans, ont-ils la propriété d'attirer ou de repousser les esprits, ainsi que quelques-uns le prétendent? Réponse. Cette question est inutile, car vous savez bien que la matière n'a aucune action sur les esprits. Soyez bien certain que jamais un bon esprit ne conseille de pareille absurdité. La vertu des talismans, de quelque nature qu'ils soient, n'a jamais existé que dans l'imagination des gens crédules. Question 18. Que penser des esprits qui assignent des rendez-vous dans des lieux lugubres et à des heures indues? Réponse. Ces esprits s'amusent aux dépens de ceux qui les écoutent. Il est toujours inutile et souvent dangereux de céder à de telles suggestions. Inutile parce qu'on n'y gagne absolument rien que d'être mystifié. Dangereux, non par le mal que peuvent faire les esprits, mais par l'influence que cela peut exercer sur des cerveaux faibles. Question 19. Y a-t-il des jours et des heures plus propices aux évocations? Réponse. Pour les esprits, cela est complètement indifférent. Pour tout ce qui est matériel, et ce serait une superstition de croire à l'influence des jours et des heures. Les moments les plus propices sont ceux où l'évocateur peut être le moins distrait par ses occupations habituelles, où son corps et son esprit sont le plus calmes. Question 20. L'évocation est-elle pour les esprits une chose agréable ou pénible? Viennent-ils volontiers quand on les appelle? Réponse. Cela dépend de leur caractère et du motif qui les fait appeler. Quand le but est louable et quand le milieu leur est sympathique, c'est pour eux une chose agréable et même attrayante. Les esprits sont toujours heureux de l'affection qu'on leur témoigne. Il y en a pour qui c'est un grand bonheur de se communiquer aux hommes et qui souffrent de l'abandon où on les laisse. Mais, comme je l'ai dit, cela dépend également de leur caractère. Parmi les esprits, il y a aussi des misanthropes qui n'aiment pas à être dérangés et dont les réponses se ressentent de leur mauvaise humeur, surtout quand ils sont appelés par des gens indifférents auxquels ils ne s'intéressent pas. Un esprit n'a souvent aucun motif pour venir à l'appel d'un inconnu qui lui est indifférent et qui est presque toujours mu par la curiosité. S'il vient, il ne fait en général que de courtes apparitions, à moins qu'il n'y ait un but sérieux et instructif dans l'évocation. Remarque. On voit des gens qui n'évoquent leurs parents que pour leur demander les choses les plus vulgaires de la vie matérielle. Par exemple, l'un pour savoir s'il louera ou vendra sa maison, un autre pour connaître le profit qu'il tirera de sa marchandise, l'endroit où de l'argent a été déposé, si telle affaire sera ou non avantageuse. Nos parents d'outre-tombe ne s'intéressent à nous qu'en raison de l'affection que nous avons pour eux. Si toute notre pensée se borne à les croire sorciers, si nous ne pensons à eux que pour leur demander des renseignements, ils ne peuvent avoir pour nous une grande sympathie, et l'on ne doit pas s'étonner du peu de bienveillance qu'ils témoignent.